Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Pourquoi donc, pourquoi faire, une jeune fille se dirige-t-elle de nuit à la 11e heure, une nuit sombre, accompagnée d'un chien noir, vers le gibet où a été pendu un innocent, et ce, un vendredi, bien sûr. Pour creuser la terre, pour faire surgir quelques créatures mystérieuses, une plante à la forme et à l'haleine humaine. Claude Métra, dans 10 hérésies, se penchait, Achim von Arnim aidant, sur la mandragore. Première diffusion sur France Culture le 17 avril 1994. Magiciens, sorcières, souffleurs ou illuminés, ce sont là quelques-uns des noms que l'on donna jadis à ceux qui, par divers et imaginatifs procédés, tentèrent de faire comme Dieu, c'est-à-dire de créer la vie, de donner forme et souffle à un être semblable à l'homme et qui pourtant ne serait point né de la semence mêlée de l'homme et de la femme. Ainsi naquirent les légendes de l'homonculus ou du golem, qui empruntaient beaucoup de leurs traits aux esprits des eaux, des bois ou des airs, qui nourrissaient le fantastique populaire. Dans la vaste rêverie qui s'ébauche autour de la création de cet être au-delà de l'humain, la frontière qui sépare le monde végétal du monde animal s'estompe comme si la plante pouvait miraculeusement accéder au statut du vivant. En témoigne la mandragore et l'étrange liturgie qui s'élabore autour d'elle, comme le raconte Achim von Arnim dans son récit merveilleux « Isabelle d'Égypte ». Bella est la fille du roi des Bohémiens, et en quête de pratiques magiques, elle découvre dans un livre le moyen d'avoir la racine mandragore, grâce à laquelle elle aura en partage l'argent et le pouvoir, et aussi l'amour de son bien-aimé. L'entreprise, pour une très jeune et fragile jeune fille, demande un courage surhumain. En effet, dit le livre, il faut nécessairement une jeune fille qui aime de toute son âme, sans désirer les jouissances de son sexe, et à laquelle la proximité de son amoureux suffit entièrement. Cette première condition indispensable s'était peut-être réalisée pour la première fois en Bella, parce qu'elle avait toujours été traitée comme un être d'essence supérieure par les tziganes qu'elle avait connus jusqu'alors, et parce qu'elle s'était toujours reconnue comme telle. Quant à l'apparition fugitive du prince, elle avait été pour elle aussi sacrée et aussi pure que celle du Saint-Sacrement à la messe. Elle avait passé trop rapidement devant ses yeux pour éveiller sa réflexion. Une jeune fille, dans toutes les voiles de laquelle souffle si puissamment l'imagination, doit avoir en même temps le courage plus que viril d'aller la nuit à la 11e heure, avec un chien noir, sous le gibet, à l'endroit où un pendu innocent a laissé tomber ses larmes dans l'herbe. Là, elle doit se boucher soigneusement les oreilles avec du coton et chercher à tâtons jusqu'à ce qu'elle mette la main sur la racine. Alors, en dépit de tous les cris de cette racine qui n'est point naturelle mais qui est l'enfant des larmes innocentes du pendu, elle doit lui découvrir la tête, l'entourer d'une cordelette faite de ses propres cheveux, y atteler le chien noir, puis s'enfuir de telle sorte que le chien, dans son désir de la suivre, arrache la racine. Et alors, il est immanquablement tué par une convulsion du sol accompagnée d'un éclair. Si à ce moment, qui est absolument décisif, on n'a pas bien bouché ses oreilles, on peut être instantanément rendu fou par le cri. Sur ce point encore, Bella était la seule chez laquelle depuis des milliers d'années fussent réunies toutes ces conditions. Qui était plus innocent que Michel, son père bien-aimé, lui qui travaillant sans relâche pour son pauvre peuple, se donnant sans cesse mille peines pour les siens, avait été trop fier et trop honnête pour prendre à un riche la moindre bagatelle? Quelle jeune fille aurait eu le courage de faire de propos délibérés un tel trajet, à minuit, sinon Bella, qui depuis 4 ans déjà que sa mère était morte, avait mené une existence cachée, nocturne, et à laquelle le cours de la lune et des étoiles était trop connu et trop familier pour qu'elle éprouvât encore la nuit un sentiment particulier de tristesse et de solitude. Quelle jeune fille avait comme elle un chien noir, dont les yeux, par leur regard, en disaient plus long que la gueule par ses aboiements. Et d'un autre côté, quelle jeune fille détestait autant qu'elle cet unique compagnon. Il y a longtemps qu'elle ne pouvait pas le supporter, car il l'avait mordu autrefois. Elle le méprisait encore plus maintenant qu'il la servait avec une humilité répugnante. Enfin, quelle jeune fille avait des cheveux aussi longs que Bella pour en faire des cordelettes et à laquelle était disposée comme elle à les sacrifier tranquillement pour cette tentative. Elle ignorait complètement ses charmes. Elle songeait avec plaisir qu'elle n'aurait plus besoin désormais de mettre si longtemps à peigner ses cheveux. Et ainsi, sous les coups rapides d'une paire de ciseaux, ses cheveux dans les boucles luisantes desquelles les étoiles s'étaient souvent reflétées comme dans la chevelure de Bérénice, tombèrent autour d'elle sur le sol comme un voile noir. Elle devait en faire pour son chien Samson une chaîne qui lui serait fatale. Le vendredi arriva enfin, car l'opération devait avoir lieu un vendredi. Il faisait déjà froid, les eaux calmes étaient recouvertes d'une mince couche de glace. Tout semblait marcher à souhait. Les voisins étaient tous allés à la ville. La nuit était obscure et le vent chassait les premiers flocons de neige sur la terre desséchée. Bella parcourut encore une fois le livre de magie. Son cœur battit à grands coups lorsque 11 heures sonnèrent lentement. Le chien noir arriva. Elle prit rapidement les cordelettes qu'elle avait tressées avec ses cheveux et qu'elle avait jusque-là portées sur sa tête. Elle le battit. Il voulut sortir. Elle ouvrit la porte et tous deux se trouvèrent transportés dans le monde magique de l'hiver et ils partirent au petit bonheur sans connaître le chemin, suivant simplement la direction qu'il fallait pour atteindre la colline où avaient lieu les exécutions. Il n'y avait pas un être humain sur ce chemin. Par contre, plusieurs chiens sortirent des jardins avec un grand vacarme en passant sous les portes et se précipitèrent sur le noir Samson. Mais il les regarda, montra ses dents, et les chiens, les plus petits comme les plus grands, firent demi-tour et retournèrent se réfugier dans les jardins. Dans leur terreur, ils se coincèrent sous les portes et se mirent à pousser des hurlements lamentables. Quelques hérissons qui traversaient la route, les piquants garnis de pommes et de poires qu'ils avaient embrochés en se roulant dans les jardins, manifestèrent un égal effroi. Ils se mirent en boule en apercevant le chien, qui put ainsi très facilement leur enlever leur butin et les dévorer. Pendant ce temps, Bella s'était reposée. Mais alors, quelle étrange histoire! Lorsqu'elle se leva et se rapprocha de la colline, elle eut l'impression qu'une autre personne marchait constamment sur ses traces, et si soigneusement qu'à chaque pas la pointe du pied mystérieux touchait le talon du sien. Elle n'osait pas regarder derrière elle, et elle se mit à courir de plus en plus vite, jusqu'au moment où elle reçut au front un coup qui l'étendit par terre. Cependant, le coup ne l'avait que légèrement étourdie. Comme tout restait silencieux aux alentours, elle prit courage. Personne ne portant la main sur elle, elle tâta des mains autour d'elle et s'aperçut que dans sa course, elle avait donné contre une barrière de péage qui était fermée. Et ce qui avait marché sur ses traces avec tant d'empressement, c'était un pied d'épine qui s'était accroché à sa robe. Tout étonnée de sa propre peur, elle se promit d'être désormais plus attentive et plus réfléchie. Mais elle ne tarda pas à oublier cette résolution. Lorsqu'une troupe de chevaux couchés dans un enclos se levèrent brusquement à son approche et s'enfuirent en sautant par-dessus les buissons et les haies. Et l'aventure dans laquelle s'engage Bella, c'est bien sûr une aventure spirituelle. Et il n'est pas étonnant qu'autour d'elle, tout le paysage visible semble pénétré d'invisible. La mandragore, objet de la quête, est une plante venue de l'au-delà. Et cet au-delà baigne ici toute la nuit, les champs, les bêtes, comme si tout partageait l'expérience de la jeune fille et s'en faisait complice. Alors, nous dit le récit, Bella, arrivée sur la hauteur, regarda l'opulente cité où de nombreuses lumières étaient encore allumées. Une maison était brillamment éclairée, c'était certainement là, pensa-t-elle, qu'habitait le prince. Ce spectacle lui aurait fait oublier tout le reste, même les pendus desséchés qui semblaient se poser mutuellement des questions en s'entrechoquant au-dessus de la tête, si le chien noir n'avait pas de sa propre initiative creusé sous le gibet. Elle palpa ce qu'il avait trouvé, et elle eut dans les mains un petit objet de forme humaine, mais dont les deux jambes étaient encore enracinées dans le sol. C'était elle, la mystérieuse mandragore, le petit bonhomme du gibet. Elle l'avait trouvé sans peine. En un rien de temps, elle l'eut entouré de la cordelette fabriquée avec ses cheveux et à laquelle elle attela le chien noir. Puis elle s'enfuit, songeant avec angoisse au cri de la racine. Elle avait oublié de se boucher les oreilles. Aussi courut-elle de toutes ses forces et le chien derrière elle. Il arracha la racine et un formidable coup de tonnerre le renversa ainsi que Bella. Mais sa course rapide et sûre l'avait déjà éloigné de 50 pas. Cette circonstance avait sauvé la vie à Bella. Cependant, elle resta longtemps évanouie et ne se réveilla qu'à l'heure où les amants satisfaits rentraient nonchalamment du lieu de leurs délices. L'un d'eux chantait une chanson débordante de joie. Il était encore à moitié endormi, si bien qu'il ne la vit pas. Lorsque ce chant la réveilla, elle se demanda comment elle était parvenue en ce lieu qu'elle ne reconnaissait plus. Elle se releva avec peine et aperçut aux premières lueurs du matin le cadavre de son chien Samson. Elle le reconnut, se rappela également peu à peu pourquoi elle était venue là, et trouva liée aux tresses qu'elle détacha alors du chien une espèce d'être humain, quelque chose comme une ébauche animée d'où les sens nobles ne se sont pas encore dégagés, une sorte de chrysalide. Telle était la mandragore. Et ce qu'il faut qualifier de merveilleux, c'est que d'une part, il était désormais tout à fait impossible à Bella de penser au prince, véritable cause de ses efforts pour se procurer la mandragore, et que d'autre part, elle aimait celle-ci avec cette première tendresse naissante qui avait apparu dans son âme avec une douceur pénétrante depuis la nuit où elle avait vu le prince. Une mère qui retrouve son enfant après l'avoir cru enseveli lors d'un tremblement de terre ne peut pas saluer sa réapparition avec une tendresse plus intime et plus familière que Bella, prenant sur sa poitrine la petite mandragore, après l'avoir entièrement dégagée de la terre et l'avoir débarrassée du dernier grain de poussière. Le petit être ne semblait pas avoir conscience de tout cela. Son haleine s'exhalait par des ouvertures presque imperceptibles de sa tête. Mais après qu'elle l'eut bercé dans ses bras pendant quelque temps, il lui fit comprendre que ce mouvement lui plaisait en lui frappant impatiemment la poitrine de son bras. Alors, elle se décida de rentrer chez elle avec lui. Elle ne fit pas attention aux aboiements des chiens ni à quelques marchands qui se rassemblaient de bonne heure devant les portes de la ville pour être les premiers lors de l'ouverture des portes. Elle n'avait Dieu que pour le petit être qu'elle avait soigneusement enveloppé dans sa robe. Lorsqu'elle fut enfin arrivée dans sa chambre, elle fit de la lumière et examina le petit monstre. Puis elle alla consulter scrupuleusement son livre de magie. Elle devait d'abord laver la mandragore, elle le fit. Elle devait ensuite semer du mil sur sa tête rugueuse, et lorsqu'il lèverait, formant une chevelure, ses autres membres se développeraient d'eux-mêmes. Seulement, à chacun des emplacements où devait se développer un œil, il lui fallait enfoncer une baie de genévrier et un fruit d'églantier à l'endroit où devait se former la bouche. Par bonheur, elle pouvait amener toutes ses graines à pied d'œuvre. Et ce fut ainsi que, grave et enjouée à la fois, elle entreprit la tâche de créer un être qui devait la rendre malheureuse jusqu'à ce qu'il disparût, de même que l'homme tourmente son créateur. Satisfaite d'elle-même, comme un jeune artiste dont le succès dépasse constamment les espérances, elle contempla son petit monstre informe et le cacha, après l'avoir bien couvert, dans un joli berceau qu'elle avait trouvé dans la maison. Ce secret, qui était le premier de son existence, elle était résolue à ne le révéler à personne. Et en créant ainsi ce petit enfant, car la mandragore arrachée à la terre possède réellement la forme d'un corps humain dans toute sa particularité, Bella crée l'instrument de sa propre magie, mais en même temps, elle se crée elle-même, devient femme sans avoir connu l'étreinte, devient créature divine, puisqu'elle a, comme Dieu, inventé la vie.